Je débarque, je sors de mon BM, mauvais son sur les épaules. Je viens juste d'aller voir un collègue qui sort de tôle. Macro en tout genre, je rentre dans mon motel. Accro du genre art, j'ai même des putes du Minitel. Je monte quelques étages, destination jacuzzi. Y'a de l'eau dans le gaz, j'ai la main sur le Uzi. J'enfile un peignoir, je pète un cigare. De la Havane à loin du trottoir, y'en a qui vivent en caravane. Le Mac, c'est mon place dans le milieu. Je suis le roi de la banlieue. Respect jusqu'à Bagneux. Une masse de billets à gauche, un whisky à droite. J'suis dans un bis louche, du genre qui met des droites. Moderne, esclavagiste, fini le QQX clan. Moi j'fais mon bise avec celle qui suce des glands. Comment tu reconnais les pires tasses qui bougent? Tout deep sur une fesse, marqué au fer rouge. C'est comme ça que ça se passe dans la vie d'un macro. L'argent les putes passent, il faut avoir les crocs. Elle crève la dalle, lui il roule en merco. Tout deep chroniqueur, raconte sa vie au micro. Comme ça, dans la vie d'un macro. L'argent les putes passent, il faut avoir les crocs. Elle crève la dalle, lui il roule en merco. Tout dit chroniqueur, raconte sa vie au micro. Macro, qu'est-ce tu veux? J'aime l'argent facile. T'es des champagnes, BM, c'est ce qui me fascine. Une bassine, non. Un bassin rempli de cinq ou des putes. Chaque bis finit sans câlin. J'en ramène deux, trois de la Roumanie. Blonde, brune, bonne et définie. Trafic d'âme égale une grosse somme. J'aime que les billets pour lesquels je me suis pas plié. Pour ce sale pays, je me casserai pas le dos. Argent sale que je blanchis, moi aussi je suis un salaud. Comme tous ces politiciens qui baissent sur les Champs-Élysées. Sors du taf, le député, la romaine va baiser. J'suis un Macron, j't'enfonce le micro. T'es devenu agro, et même Monsieur Sarko. Ta femme travaille pour moi depuis lundi. À Platon, elle a signé un CDI. C'est comme ça que ça se passe dans la vie d'un macro. L'argent les putes passent, il faut avoir les crocs. Elle crève la dalle, lui il roule en merco. Tout dit chroniqueur, raconte sa vie au micro. Comme ça, dans la vie d'un macro. L'argent les putes passent, il faut avoir les crocs. Elle crève la dalle, lui il roule en merco. Tout dit chroniqueur, raconte sa vie au micro. Bon, là y'a un blême pro, y'a une des teintes qui veut pas lâcher le Zeyo. On part en mission, histoire de voir la tasse. J'sors de la caisse, histoire d'avoir en face. J'peux pas travailler, j'ai mal à la tête. Si ça te plaît pas, t'as qu'à aller te faire mettre. J'regarde mon gars, vas-y petit, mets la dose. Elle s'en prend une, elle va en bouffer en overdose. Clic, clac, moi j't'en sais, putain claque. Entre toi et moi, dis-moi c'est qui le Mac. Alors montre tes seins, monte ta jupe et va chercher des clients, espèce de sale pute. Chut, j'veux plus t'entendre. Pas pouvoir me faire de la maille, sinon j'vais descendre. Et ouais, ma couille, c'est comme ça que j'les traite. C'est moi le vrai pimp, n'est-ce pas 50 Cent? C'est comme ça que ça se passe dans la vie d'un macro. L'argent les putes passent, il faut avoir les crocs. Elle crève la dalle, lui il roule en merco. Tout dit chroniqueur, raconte sa vie au micro. Comme ça, dans la vie d'un macro. L'argent les putes passent, il faut avoir les crocs. Elle crève la dalle, lui il roule en merco. Tout dit chroniqueur, raconte sa vie au micro.